David Guetta, Love is Gone sur RGM. Bon, bah, si on n'était pas réveillé à 8h37, maintenant, c'est le cas. Allez, on fait un point sur les anniversaires. Ils sont nés un 7 novembre 1963. Naissance de Franck Dubosc, humoriste, acteur, réalisateur, scénariste français. Vu dans Trafic d'influence, Au secours, J'ai 30 ans. Is No Good, Camping 1, 2 et 3 dans le rôle de Patrick Chirac. Astérix, Jeux Olympiques dans le rôle d'Assurance Tourix. Disco, Incognito, Les Seigneurs, Boule et Bill 1 et 2 dans le rôle de Pierre, le père de Boule, Fiston, Barbecue, Bis, Les Visiteurs, La Révolution dans le rôle de Gonzague de Montmirail, Tout le monde debout dans le rôle de Jocelyn, All Inclusive, sorti cette année dans le rôle de Jean-Paul VI, réalisateur de Tout le monde debout, scénariste de Camping 1, 2 et 3, de Disco, de L'amour c'est mieux à deux, de Tout le monde debout et de All Inclusive. 1967, cette naissance de David Guetta, DJ français, c'est également l'année de naissance de Charlene Spiteri, chanteuse britannique du groupe Texas, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Summerson. Voilà pour l'extrait du groupe Texas. Allez, on continue. 1970, naissance de Morgan Spurlock, réalisateur américain, connu pour avoir réalisé le film documentaire Super Size Me en 2004 sur la malbouffe. 1972, naissance de Jason et Jeremy London, tous deux acteurs américains. Jason London, on a pu le voir à la télévision dans 7 à la maison, Wildfire dans 10 épisodes dans le rôle de Bobby, Esprit criminel, Grey's Anatomy, Dallas ou Scandale. Et Jeremy London, lui, on l'a vu dans La Vie à 5, 7 à la maison dans le rôle de Chandler Hampton ou encore Preuve à l'appui. 1973, naissance de Kim Yeon-jin, actrice américano-sud-coréenne connue pour son rôle de Sun Kwon dans la série télé Lost, les disparus, et son rôle de Karen Kim dans la série Mistresses. 1975, naissance de Raphaël, chanteur français. 1986, naissance de Jérémy Cado, escrimeur français spécialiste du fleuret, vice-champion olympique par équipe aux Jeux d'été de 2016. 1988, naissance d'Alexandre Dolgopolov, joueur de tennis ukrainien. Professionnel depuis 2006, meilleur classement, la 13e place atteinte en 2012, quart de finaliste à l'Open d'Australie, 8e de finaliste à l'US Open, 16e de finaliste à Roland-Garros et Wimbledon. C'est également l'année de naissance de Tini Tampa, chanteur britannique, notamment connu pour le titre Return the Stars, en featuring avec Eric Turner, dont on écoute tout de suite un extrait. Song on so many different dials, 'cause I got more hits than a disciplined child. So when they see me, everybody barack, barack. Man, I'm like a young gun, fully black, barack. I cry teardrops over the massive attack. I only make hits like I work with a racket and back. Look at my jacket and hat, so damn bizarre, so down to earth. I'm bringing gravity back, adopted by the major. I want my family back. People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell's all the sanity at? Damn, I used to be the kid that no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hear you out. Oh. Allez, on continue. 1990, naissance de David De Gea, footballeur espagnol évoluant en poste de gardien de but. De 2008 à 2009, il a joué dans l'équipe B de l'Atlético Madrid avant de jouer dans l'équipe A entre 2009 et 2011. Et depuis 2011, il est le gardien de but de Manchester United. En 1980, décédé Steve McQueen, acteur américain vu dans Les Sept Mercenaires dans le rôle de Vin, La Grande Évasion, Le Kid de Cincinnati dans le rôle d'Eric Stoner alias Le Kid, Bullitt dans le rôle du lieutenant Frank Bullitt ou encore Guet-apens. En 1992, décédé Jack Kelly, acteur américain connu pour le rôle de Bart Maverick dans la série télé Maverick, diffusée entre 57 et 62. En 1997, décédé Paul Ricard, industriel français, créateur du pastis Ricard, à consommer bien évidemment avec modération. En 2006, décédé Guy Degrenne, industriel français, fondateur du groupe industriel qui porte son nom, fabricant renommé de couverts, seaux à champagne, plats et autres articles culinaires en acier inoxydable. En 2011, décédé Joe Frazier, boxeur américain des années 60 et 70, il fut en son temps le plus grand rival de Mohamed Ali. Poids lourd, il a été champion olympique en 1964, puis champion du monde professionnel WBA et WBC de 70 à 73. Et enfin, en 2016, décédé Leonard Cohen, auteur, compositeur, interprète, musicien, poète canadien, qu'on écoutera en fin d'émission. Et tout de suite, on s'écoute Raphaël avec le titre « Caravane ». J'en ai les larmes aux yeux, que nos mains ne tiennent plus ensemble. Moi aussi je tremble un peu, puisque je ne vais plus attendre. Est-ce qu'on va reprendre la route? Que nous sommes proches de la nuit, est-ce que ce monde a le vertige, est-ce qu'on sera un jour puni? Est-ce que je rampe comme un enfant, est-ce que je n'ai plus de chemise? C'est le bon Dieu qui nous fait, c'est le bon Dieu qui nous brise. Est-ce que rien ne peut arriver, puisqu'il faut qu'il y ait une justice? Je suis né dans cette caravane, nous partons, allez viens. Cette caravane, et nous partons, allez viens. Thank you. Voilà, c'était Raphaël avec Caravane sur le 107 FM. 8h47, on fait un point météo. La météo. Alors, on commence la journée sous les nuages et la pluie, mais cette journée sera coupée en deux au niveau de la météo, puisque pour cet après-midi, ça devrait nettement s'améliorer. Je dis bien devrait, hein, on ne sait jamais. Des températures comprises entre 7 et 8 degrés ce matin, entre 8 et 9 degrés cet après-midi. Vendredi, on devrait avoir des éclaircies, des températures comprises entre 4 et 5 degrés le matin, entre 8 et 10 degrés pour vendredi après-midi. Samedi, des éclaircies entre 3 et 4 degrés le matin, entre 6 et 8 degrés l'après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Football, Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 hier soir face au club Bruges. Le PSG est qualifié pour les huitièmes de finale. La Juventus de Turin s'est imposée 2-1 sur la pelouse du Lokomotiv Moscou. Tottenham s'est imposé 4-0 à l'Étoile Rouge de Belgrade. Et enfin, le Real Madrid s'est imposé 6-0 face au Galatasaray. Ce soir, c'est l'Europa League et des déplacements pour nos clubs français. Rennes qui se déplace au CFR Clu└========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└└└└└└└└============└====================================└========================└============└============================================================================================================ Un mot de basket en NBA. Cette nuit, l'équipe d'Orlando d'Evan Fournier s'est inclinée d'un petit point face à Dallas, 107 à 106, 9 points pour le Français. L'Utah Jazz de Rudy Gobert s'est imposé 106 à 104 face à Philadelphie, 14 points et 16 rebonds pour le Français. Et enfin, l'équipe de New York de Tilikina s'est inclinée face à l'équipe de Détroit, 122 à 102, 11 points pour le Français. Un mot de hockey sur glace féminin avec le tournoi des 6 nations. Premier match chez première défaite pour nos Bleus, 4 buts à 1 face à la Slovaquie. On termine avec du tennis, le Next Gen ATP Finals. La victoire hier de Tiafoe face au Français Hugo Humbert, la victoire de Rude face à Davidovich Fokina, la victoire de Dominor face à Kekmanovic et la victoire de Sinner face à Imer. Aujourd'hui, Hugo Humbert affrontera Sinner, Dominor sera opposé à Rude, Kekmanovic à Davidovich Fokina et Tiafoe à Imer. Tout de suite, on marque la dernière pause musicale avec Leonard Cohen et le titre Alléluia. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Doesn't matter which you heard, the holy or the broken high. So I tried to touch. I've told the truth. I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. C'est Leonard Cohen avec le titre Alléluia, hein, qui a été repris bon nombre de fois, notamment par Jeff Buckley. Hein, c'est la reprise la plus connue. D'ailleurs, M. Pokora l'avait également reprise dans un de ses albums pour un artiste français, hein, qui avait repris ce titre. Allez, il est presque 8h55. On fait un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera la rediffusion de La Parole est à vous avec Michel. 13h30, la rediffusion de La Chronique de Michel. 14h, Clip Clapon tourne avec Tanguy. 16h, Les années bonheur avec Gilou. 18h, l'émission spéciale contre le harcèlement scolaire. Je vous en parlais en début d'émission avec Lia, Lou et Cosmos, entre autres. 19h30, ce sera Regarde ailleurs. 20h, Memento Mori. 23h, Rock à la Casbah. Nous, on se retrouve demain matin. Même heure, même endroit. Excellente journée à tous.